bon, la machine ne veut pas encore faire partir les publicités. Ben, je vais vous les faire à la main, tiens. Dans le cadre du prix Radiothon de CKRL, vous écoutez l'hommage à Denis Barry en direct du Bal du Lézard. Il paraît que CKRL, c'est une radio-école. J'ai bien dû la doubler une couple de fois, je suis encore là. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 en cette émission très spéciale. Une émission en hommage à notre ami Denis Barry. Denis Barry, qui était animateur de l'émission L'Opinion du Chef, qui nous a quittés il y a ici 4 ans, ou peut-être une éternité. Mais il est encore parmi nous, puisque nous sommes live en direct du Bal du Lézard, où il y a justement cette magnifique soundcheck du groupe Pink Floyd, qui vient faire son tour au Bal du Lézard pour nous faire un hommage à Denis Barry et surtout à l'œuvre musicale de Pink Floyd. Alors, vous êtes... Je vous souhaite la bienvenue à tous les gens qui sont ici ce soir. Oui, manifestez-vous. C'est un rendez-vous, mesdames et messieurs, au 1049 3e Avenue. Nous sommes en direct au Bal du Lézard. Donc, il y aura une prestation musicale dans quelques instants, mais d'ici là, nous sommes là pour discuter également de cet hommage et du pourquoi nous sommes ici ce soir. Et en ma compagnie, il y a bien sûr Jean-Pierre Gay. Salut! Comment ça va? Ça va bien! Hey, en passant, je ne vous l'ai jamais dit à tous les auditeurs de CKRL, mais c'est mon cousin. C'est aussi mon cousin. Nous sommes parentés. Oui. De loin. De très, très loin. Très loin. En fait, le seul lien de parenté qu'on a trouvé en commun, c'est qu'on est daltoniens les deux. Bref. Ce soir... Denis n'était pas daltonien, par contre. Denis était daltonien. Et voilà, aussi, hein, c'est semble, ça le lien. Merci, Claire. Il me semblait aussi. Claire Marceau, qui est parmi nous. J'ai un petit détail à vous dévoiler ce soir. Vous pouvez toujours faire un don à, au numéro de téléphone suivant, 640-2575. Poste 201. Probablement. Vous appelez Danny Fortin et vous pouvez faire un don pour ce soir, pour cette soirée de ce soir, puisque la soirée est non seulement un hommage à Denis, mais surtout un hommage, surtout à une collecte de fonds pré-radiothon, puisque le radiothon de CKRL va avoir lieu dans quelques jours, la semaine prochaine. Oui. Et puis, on a notre objectif de 42 000 $ à atteindre. Mais ce soir, 50 % des profits vont être remis à CKRL, justement pour aider à la remise en fonte de notre studio. Du studio Denis Barry. Exactement, oui. Le studio de CKRL. Donc, vous êtes attendu et appelé. Espéré. 640-2575. Danny Fortin va être au bout du fil. Ça va lui faire plaisir de recevoir vos dons. Donc, Jean-Pierre. Oui. Denis Barry, L'Opineur du Chef, c'est probablement l'émission la plus originale que CKRL a mise en onde pendant des années. Une émission où son auditoire s'arrêtait pendant 2 heures, s'installait dans le salon, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, mais il écoutait certainement, se mettait face à la radio. Il y a des couples qui m'ont parlé de ça, moi. Des couples qui viennent à CKRL, au Radiothon, puis qui m'ont dit, nous, là, on arrêtait le jeudi soir à 8 heures. Puis on regardait l'émission de Denis Barry. Quelque chose, ça. Regardez pour entendre. ça sentait le patchouli, en tout cas, dans la station. C'était aussi une émission qui avait un public vraiment dédié et, qui était toujours présent et nombreux. Un jour est arrivé un directeur de la programmation qui a dit « Cette émission-là devrait être le dimanche après-midi. » L'Opineur du Chef s'est retrouvé le dimanche après-midi à 2 heures. La station a été inondée de téléphones pendant 2 semaines. il est apparu des affiches dans Saint-Jean-Baptiste où c'était écrit « Mais où est donc passé l'opineur du chef? » Ce fut la révolution à CKRL, si bien que le directeur de la programmation a dû ramener, au grand plaisir de tout le monde, a ramené l'émission le jeudi soir. Et ça, moi, je ne connais pas d'émission à CKRL qui aurait pu être capable de réussir ce tour de force-là, de faire changer le directeur de la programmation dans ses décisions. C'est vrai qu'elle elle mobilisait beaucoup de gens, oui. Puisque la page Facebook de l'opinion du chef est encore active. Et il y a encore des gens qui se rappellent la mémoire de Denis et postent régulièrement des souvenirs, des musiques, des bons vieux clips, des Moody Blues, des King Crimson et des Pink Floyd de ce monde. Et moi-même, je suis abonné à cette page-là et je la vois à toute fois. À chaque fois, je me dis, et j'ai une petite pensée pour Denis, je dis, ton œuvre a perduré dans le temps, mon ami. Mais moi, il y a un côté de Denis que le monde connaît peut-être pas beaucoup, mais auquel moi j'ai été appelé à participer, c'est son travail qu'il faisait à Centraide dans le secteur public, parapublic, qui était de ramasser de l'argent pour les bonnes causes. Mais Denis avait réussi à donner sa signature à cette campagne-là, car ce qu'il faisait, il s'était donné le défi de faire connaître les artistes, les fonctionnaires qui sont aussi des artistes, par le public. Donc, il organisait un gros show où il allait avoir un dévoilement de la campagne, puis il y a du monde qui était là. Et donc, Denis organisait un gros show avec des artistes qui étaient des fonctionnaires ou des fonctionnaires qui étaient des artistes, et un show qui durait 1h30, deux heures, et qui permettait de dévoiler les résultats de la campagne. Et ça, c'était, pour Denis, c'était fort important parce que pour lui, les employés du secteur public et parapublic, c'était des gens qui sont perçus comme des ronds de cuir, qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas le sens artistique. Or, tous les artistes qui étaient là, c'était des gens qui travaillaient dans la fonction publique, qui étaient attachés d'administration, peu importe, mais qui étaient aussi des artistes puis qui aimaient faire de la musique. Donc, Denis ramassait tout ce monde-là. Moi, le premier show que j'ai fait avec Denis, c'était au Chic Resto Pop à Montréal. On avait monté tout le monde en autobus. On s'était rendu au Chic Resto Pop. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le Chic Resto Pop. C'est dans Hochelaga Maisonneuve. C'est une ancienne église qui sert de maison pour aller de soupe populaire, voilà. Et on avait fait un show là à l'intérieur, un paquet d'artistes dans la salle du Chic Resto Pop à travers des gens, des itinérants et tout ça. Et ça, Denis était très fier de ça. Et il en a fait plusieurs. Moi, j'ai eu l'occasion de faire la régie de ces shows-là. Et c'était à chaque fois, on en a fait à l'Impérial, on en a fait au Capitole, de ces shows-là, avec à la fois des fonctionnaires et des gens qui étaient dans le besoin, qui étaient soutenus par Centraide. Donc, Denis, son travail était, pour lui, c'était d'abord d'aider le monde avant de faire un job de fonctionnaire. Malheureusement, il est arrivé un jour une patronne qui, elle, a décidé que ça, c'était des affaires qui fonctionnaient pas, ça avait pas de bon sens. Et elle a dit à Denis, ben, c'est la dernière année qu'on fait ces affaires-là. Puis ça, c'était fini. Ça a été un drame pour Denis. Denis a trouvé ça terriblement difficile, mais j'ai dit, Denis, on va la faire, puis ça va être la meilleure. On a fait un gros show, ça s'est passé au Capitole. Puis on a rempli ça bien plein, puis le monde était super content. C'était heureusement la dernière fois. Puis la patronne, qu'est-ce qu'elle a dit? La patronne, ben, ce qu'elle a dit, elle dit, malheureusement, c'est une décision qui vient d'en haut. Tu sais comment ça marche. Elle a jamais voulu l'assumer. C'est une décision qui venait des hautes autorités. Mais cela dit, Denis, c'était aussi quelqu'un qui avait un souci d'aider les gens, qui aiment les gens. Donc, Denis, c'était plus que l'opinion du chef. C'était aussi un homme. Un rassembleur de passion. Exactement. Denis Barry, un rassembleur de passion. Parce que la passion de la musique, la passion des gens, la passion de faire, de se rassembler tout le monde ensemble, c'était ça, l'opinion du chef également. Moi, je le sais parce que j'ai l'ai côtoyé pendant presque une dizaine d'années. Mmh, ben oui. Mon émission suivait celle de l'opinion du chef. Et je vous dirais que, oui, le patchouli flottait dans l'air. C'était vraiment une ambiance différente. Et lorsque moi j'arrivais, on est arrivé là un peu comme trois jeunes. Trois jeunes, je sais pas. Anarchistes un peu. Ouais, c'est ça. Des musiciens qui disent on va faire de la musique live. Nous autres, on va faire de la musique live en direct à CKRL, puis après à Denis Barry. Et on a charroyé des amplis, des drums, des guitares en plein milieu d'une tune super smooth de Denis Barry à l'Opinion du Chef. C'était pas évident. Fallait qu'on le fasse sur le bout, la pointe des pieds. Et parce qu'il faut savoir que Denis, il a l'oreille fine aussi. C'est ça. Il a une oreille super, super sensible. Et moi, j'ai travaillé avec lui à Centraide, justement. Puis je suis un peu bruyant quand je travaille. Et puis Denis, à un moment donné, s'est levé la tête au-dessus du paravent. Il m'a dit, tu sais, dans Jean-Pierre, il dit, j'entends pas mal tout ce qui se passe autour. Alors moi, j'ai décidé d'aller prendre un bureau un petit peu plus loin. Puis c'était bien correct. Mais Denis a aussi, parce que je vais pas oublier, il y a un grand ami. Denis a un grand ami. Oui, puis on va y aller avec ça avant. Qui aurait voulu être ici ce soir et qui a été avec il s'appelle Pierre Lafrenière. Pierre Lafrenière, c'est un ami depuis de longues dates de Denis. Ils ont étudié ensemble, ils ont étudié à Moncton ensemble. Et Pierre aurait beaucoup aimé être ici. C'est aussi Pierre, c'est par Denis que j'ai rencontré Pierre. Et Pierre aurait beaucoup aimé être ici. Alors, il m'a envoyé un mot que je vais vous lire. J'espère que je ne serai pas driver. Je vous dis, c'est assez touchant là, quand même. Alors, dans l'esprit des fans fidèles de l'Opineur du Chef, il n'existe aucun doute que Denis Barry était un magicien. Durant une trentaine d'années, celui qui était devenu une institution au sein de CKRL n'a pas eu son pareil pour créer des ambiances sonores uniques, mues par une créativité débordante et un amour de la musique qui transpirait par chacun de ses parts. Chacun de ses parts, hein, j'ai bien checké, les parts, c'est masculin. Par chacun de ses parts, le grand blond à l'espadrille rouge nous guidait tous les jeudis soirs de 20h à 22h dans des voyages oniriques jusqu'au cœur de son univers musical. Inventif, sensible, parfois iconoclaste dans ses présentations et ses indicatifs sonores, il pouvait nous offrir des choix musicaux bigarrés, du psychédélique à l'atmosphérique, du rock au folk, en passant par le progressif, il était passé maître dans l'art d'être là où on ne l'attendait pas. J'ai connu Denis au tournant de la vingtaine. Le choc que cette rencontre a provoqué dans ma vie a été à la fois immense et stimulant. Nous partagions des racines communes, issues de la même région et de la génération de ces rêveurs et rêveuses qui allaient changer le monde. Il y avait là le ferment d'une amitié profonde et privilégiée qui a duré jusqu'à sa mort, 40 ans plus tard. Déjà passionnés de musique à l'époque, nous faisions partie de ces milliers de gratteux de guitare qui pouvaient animer la fête en répétant inlassablement les deux accords de « A Horse with No Name » d'America ou émouvoir la compagnie, particulièrement des demoiselles, il faut bien l'avouer, en entonnant avec une sensibilité ardente le célèbre cantique des cantiques de Cat Stevens, Father and Son. Déjà à cette époque, Denis avait développé des accointances avec la radio. Combien de cours n'a-t-il pas loupé durant son secondaire pour préparer une émission qu'il diffuserait le midi dans le studio de la radio scolaire, aux lumières qu'il avait déjà bien pris soin d'atténuer pour créer l'ambiance nécessaire à une écoute fervente avec effluve de patchouli en prime. C'est là aussi qu'il s'est exercé à perfectionner son talent de mixeur, ce qui allait faire de lui l'alchimiste du fade-in et du fade-out que nous avons pu apprécier avec ravissement à CKRL. Cette maîtrise, j'ai pu l'admirer de très près, puisque nous avons eu la chance d'animer en duo une émission de radio durant nos années universitaires à Moncton. Et en serez-vous surpris? C'était le jeudi soir de 20h à 22h. Outre la radio de CKUM, nous avons fait plein de trucs ensemble à Moncton, filmé des spectacles, notamment une des premières représentations de l'Heptade au lendemain du 15 novembre 1976. Super belle date. Nous sommes retournés à Moncton à l'automne 2014 durant les derniers mois de sa vie. Nous voulions revisiter les lieux où s'était cimentée notre amitié et Denis souhaitait revoir sa sœur Jacinthe qui vit toujours à Chédiac. Nous avons refait la route ensemble et malgré la conscience aiguë de la fin imminente, nous y avons été bien, extrêmement sereins. Parfois quelques poussées d'émotion, bien sûr, mais nous étions surtout animés par la chance d'avoir vécu tant de grands moments ensemble. Arcanson, ce groupe de musique que nous avons créé dans les années 70 et qui nous a permis de faire le tour du Québec pendant quelques années. Aussi, ces rendez-vous doux sur la terrasse de Micheline Bouzigon, sa compagne, sa muse, son amie, où se sont réunis chaque année pendant 25 ans des musiciens, des poètes, des conteurs, des danseurs pour créer un événement féerique et chaque fois renouvelé devant le fleuve le temps d'un week-end. Il y avait aussi la grande messe de Centraide, de secteur public, où ce fonctionnaire tout à fait hors norme offrait une fois l'an une scène et un public à d'autres fonctionnaires talentueux qui n'avaient pas eu la chance de vivre de leur art, le tout pour mousser une campagne de bienfaisance au profit des plus démunis. Et puis, tous ces autres projets de musique ou de radio, ces enregistrements en studio, ces impressions du nouvel âge, où il a ouvert son micro devant sa fille Geneviève et mon fils Alexis pour qu'ils lui racontent leur monde, ces rendez-vous de la rue du Roi, aussi tous ces concerts un peu partout faisant ressortir non seulement son talent et celui d'amis musiciens, mais également, un peu plus tard, celui de leur progéniture, dont Geneviève et Antoine, ces héritiers en talent et en créativité, pour qui il demeure encore aujourd'hui une source d'inspiration très forte. Tout cela, toutes ces aventures rocambolesques, ces projets atypiques, ont germé dans l'esprit d'un homme singulièrement original. Tous les aspects de sa vie, à la scène comme à la ville, et qui avait pour principale caractéristique d'aimer ce qu'il faisait, la radio, la musique, les planches, mais aussi, et peut-être surtout, d'aimer les gens, avec qui et pour qui il réalisait toutes ses patentes, comme il les appelait souvent. Tous ceux et celles qui l'ont côtoyé vous le diront, Denis Barry était un rassembleur remarquable et un être extrêmement attachant. L'honneur qui lui échoit aujourd'hui est amplement mérité. Il vous a fait triper le jeudi soir, ami de CKRL. Imaginez ma chance, il m'a fait triper pendant 40 ans. C'est signé Pierre Lafrenière. Et sur ces belles paroles, j'appelle mon ami Jacques Dulac directement dans nos studios de CKRL pour nous remémorer justement ces belles époques, cette belle époque et surtout ces beaux airs en nous passant le thème original de l'Opineur du Chef. Vous êtes ce soir sur le lieu à la fois le plus fantastique et le plus illustre du monde. Pas un voyageur débouchant sur cette esplanade, impérator, négociant ou poète, qui n'ait eu le cœur étreint. Vous êtes à l'instant où le rideau de la nuit va s'entrouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent. Et la voix du désert a traversé les siècles. Thank you. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, au Bal du Lézard en direct. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et nous, on est en direct. Et ceux qui sont en direct, tapez des mains, s'il vous plaît. Et les gens ne nous croient pas. Toujours possible de vous joindre à nous au 1049 3e Avenue, au Bal du Lézard. C'est un hommage à Denis Barry et surtout un spectacle musical avec Pink Floyd. OK, là, André, je sais pas si tu sais, André Michaud, qui est l'instigateur de ce beau projet, de ce band, là, t'as eu du fil à retordre à tous nos publicitaires, là. Plink! Ouais, c'est ça, Pink Funk, Pink Funk, Pink Funk, Pink Funk. Il s'agit de dire Plink, puis le Floyd vient. Exactement. Alors, comment ça t'est venu, cette idée-là? C'est-tu venu le 10 novembre 1971? Quelque part, oui, c'est parti là, quelque part. Parce que c'est une des choses. J'étais pas un ami très, très proche de Denis, mais on s'est vu plusieurs années de temps Tout le monde est un ami proche de Denis. Ben oui, quelque part aussi. Puis comme on quelqu'un gravite disait, tous autour c'est et une on personne s'approche. Tellement chaleureuse qu'on pouvait pas faire autrement que d'en faire un ami un peu. Et on partageait le fait d'avoir été à ce spectacle-là aussi et d'avoir pris des photos aussi à ce moment-là aussi. Fait que l'année passée, dans mon petit studio, moi puis ma femme, on avait fait un album pour nous, pour le fun, de chansons early Pink Floyd. Puis là, j'ai pensé à Denis quand on l'enregistrait. J'ai dit, d'un coup, on ferait de quoi avec ça? Puis là, j'ai décidé de... À un moment donné, j'ai eu cette idée-là d'aller voir à CKRL, voir si on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble à ce niveau-là. Puis en même temps, rassembler des gens pour dire que Denis est peut-être décédé, mais nous autres, on ne l'oublie pas, Denis. Exactement. Et surtout, le répertoire de Pink Floyd, oui. Le répertoire de Pink Floyd que vous allez revisiter ce soir, c'est quand même un répertoire quand même hors norme, là. Oui, oui. On n'est pas dans le The Wall, Dark Side of the Moon, oui. Même les quatre premiers albums. Donc, c'est même avant Medal. Exactement. Puis personne, tous les hommages, des fois, oui. Ils vont jouer Astronomy, mais sinon, peut-être des fois aussi Set of Control, mais c'est pas prendre les deux seuls qui peuvent être joués. D'habitude, personne joue ça. Fait qu'on parle d'un répertoire de 68 à 71, mettons. Oui, oui. C'est 77. Le premier, c'est 77, je pense. Le premier album, pendant qu'ils l'enregistraient, les Beatles enregistraient à côté Sgt. Pepper. Puis eux autres, ils enregistraient le premier album Pink Floyd à côté. Écoute, André, tu es accompagné de combien de musiciens ce soir? Il y a quatre musiciens avec moi ce soir. Il y a ma compagne Nicole qui est au clavier, qui chante aussi. Oui, merci. À la basse, il y a Alice de Chambrier ici. Sur la batterie, il y a Denis Pouliot, qui était mon vieux complice avec Viva Zappa aussi avant. Exact. Et à la guitare, Bruno Rousseau, notre guitariste vedette ici ce soir. Yeah, man. Alors, je salue la parité dans ton groupe. Il y a quand même deux... Féminin et masculin, c'est ça. Tout le monde est bien représenté. C'est ça, oui. Alors, ce soir, donc, tu nous revisites le répertoire de Pink Floyd. Oui, le spectacle de Québec, comme je disais, il y avait eu 9 chansons. On fait 6 de ces 9 chansons-là, plus une couple d'autres chansons. Parce que, remettons-là en contexte, là, le 10 novembre 1971, c'était la venue de Pink Floyd au pavillon de la jeunesse, oui. Ici même à Québec, oui. La tournée de Medal, et toi, tu étais là, oui, Denis oui. Barry également. Oui. Vous étiez un chaque bord de la scène. Je le connaissais pas à ce moment-là. C'est ça. Vous étiez ensemble, spirituellement parlant. Oui, c'est sûrement. C'est ce côté-là. Et donc, ce soir-là, tes impressions de ce fameux spectacle? Ah, c'est un spectacle fabuleux. On n'avait jamais eu ça. Non, moi, je m'en souviens. Je ne me rappelle plus. Dans ce temps-là, j'ai fumé un peu de hache. Moi, j'ai pas pris d'acide. Un peu de hache, c'est pas ça qui te faisait flayer. Tu pouvais apprécier le spectacle comme il faut, je pense. Et puis, est-ce que tu as vu autrement Pink Floyd dans d'autres circonstances? Je n'ai pas vu dans d'autres circonstances par après aussi. Pour moi, la période magique, c'est cette période-là. Après ça, il y a de très, très bonnes musiques aussi, évidemment. Oui. Mais c'est autre chose. Il y a moins de jams. Ceux-là qui connaissent les shows live qu'ils faisaient dans ces périodes-là, tu sais, faites au centre, c'était pas 3 minutes et 30, ça pouvait être 19 minutes, des fois, là, tu sais. Puis toute la band improvisait chacun le tour, tu sais. Pensez d'une chanson sur Atom Heart Mother, là. Oui, puis les choses étaient magiques, je trouve. Puis tu savais pas trop ce que ça parlait, mais c'était magique. Tandis qu'après, les choses sont devenues noires tout le temps, plus dans les textes, je parle. Oui. Là, la musique était toujours excellente, mais... Fait que pour moi, cette période-là, toujours garder ce côté magique de Pink Floyd, que d'ailleurs, Nick Mason fait une tournée présentement avec le même répertoire qu'on joue aussi. Là. Est-ce que... OK, la question qui tue, est-ce que tu penses que c'est Roger Waters et était le Darth Vader de Pink Floyd? Oh! C'est plus complexe que ça, l'affaire. Tu vois, dans nos vieux morceaux qu'on va jouer, c'est quasiment toutes des chansons de lui. Sauf, je sais pas ce qu'il y a pris. Sauf deux, je pense, qui sont de Sid. Mais les autres sont toutes de lui, sauf Fat Old Son, qui je pense qu'il est de Gilmore, que de Gilmore disait que c'était sa première bonne chanson, d'ailleurs, aussi. Fait qu'en même temps, je pourrais pas te dire, là, tu sais, mais je pense que... En tout cas, il est peut-être devenu trop intensif, je sais pas. Ça veut dire que ta bande pareil, puis il y a plein de monde qui l'ont aimé. Chacun en pense ce qu'il veut quelque part. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez entendre live en direct du Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Vous êtes conviés à nous rejoindre. Tout le monde ensemble, parce que André Michaud et sa gang de Pink Floyd vont vous faire un excellent spectacle. Téléphonez dès maintenant au 418-640-2575 pour contribuer au financement de la rénovation du studio Denis Barry. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field? Le 29 mars, au Radioton, voyez en prestation Megan Cyr, Caravane, Blues Machine et Restless. En entrevue, Philippe et Saint-Laurent, Ils en fument du bon, The Flaying, Project 18. En animation, Jessica Leb, Michael Martel du magasin Audiolite, Jean-Sébastien Grondin, Étienne Parent-Lebourdais, Jean-Claude Anto, Jean-Baptiste Duvigneau, Michel Dubois, Olivier Bercelli, Tania Bellacasse, Jérémy Sénécal, François-Samuel Fortin et Béa Tremblay. Cette première journée du Radioton vous est présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Venez nous voir. Le Radioton de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix culturel Pré-Radioton offert par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, comprenant 4 billets pour le concert de la série Apéro, l'heure est grave, 2 billets pour la pièce Les choristes et 2 billets pour le spectacle de Tire le coyote. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e Avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le Radioton de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre au coût de 25 $ avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix loisir d'une valeur de 150 $ de la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418 640 2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e Avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bon, la machine ne veut pas encore faire partir les publicités. Ben, je vais vous les faire à la main, tiens. Dans le cadre du prix Radioton de CKRL, vous écoutez l'hommage à Denis Barry en direct du Bal du Lézard. Il paraît que CKRL, c'est une radio-école. J'ai bien dit la Dublin une couple de fois, je suis encore là. Mesdames et messieurs, vous êtes live en direct au 1049 3e Avenue au Bal du Lézard et vous êtes en train d'écouter l'hommage à Denis Barry. Petit détail important, si vous avez des dons à faire, vous pouvez toujours appeler au 640-2575, poste 201. Notre ami Danny attend votre appel et votre don. D'ici là, ce soir, nous allons avoir un excellent spectacle avec un répertoire que j'adore. Voici, mesdames et messieurs, Pink Floyd. We'll be right back. Merci. La pièce s'appelait Embryo. C'était aussi la première pièce qu'avait joué Pink Floyd quand il était venu à Québec. On poursuit avec une pièce du deuxième album. Et qui s'appelle Set the Controls for the Harvest. By little, the night turns around. Counting the leaves which tremble at dawn. Lotus we sleep on each other in yearning. Counting the leaves, the swallow is resting. One inch of love is one inch of shadow. Love is the shadow that ripens the wine. Remember the lessons of controls for the artisan. Set the controls for the artisan. Une pièce est tirée du premier album. Compte encore, on va le voir. Il s'appelle Lucifer Sam. Lucifer Sam, Sam Man, always Satan by your side, always by your side. And get something I can't explain. You're a witch. He's the right side, he's the right side. Oh no, that cat's something I can't explain. If I go to sea, be a hip cat, be a ship cat, somewhere, anywhere, and get something I can't explain. Night prowling, shifter Sam, run around the ground, he'll be found when you're around. That cat's something I can't explain. Merci. Et on va dire bonjour aux gens qui sont à la radio aussi. La prochaine chanson est tirée de l'album Atomart Mother et a été chantée aussi. Non, elle n'a pas été chantée seule. If I were swan, I'd be gone. If I were train, I'd be talk with you more often than I. Ce n'est une des rares qui n'est pas de Pink Floyd. C'est une composition qui date du temps où moi, Nicole et Bruno, on avait un band qui s'appelait les 3 PPM. Et c'est une toune inspirée un peu de Pink Floyd et qui s'appelle Répondez la Terre. Quelqu'un qui est bien pris, là, quelque part. Là. Ça aurait pu servir pour 2000 hommes, l'outil de l'espace. We'll be right back. sort d'une conduite d'air. Son odeur si âpre touche mon imaginaire. Un vent froid pénètre dans le vaisseau spatial. Voici maintenant le silence. Merci beaucoup. La terre nous répond. Il y a de la place pour des compos, des fois. Hein? Voilà. Je pense que Denis n'était pas soucié des compos aussi. La prochaine chanson est tirée de l'album More, paru en 69. Elle s'appelle Green's the Color. Hein? chime to the dress and wine. She lay in the shadow of the wave. Daisy wagon visions of her play. Sunlight on her eyes, but moonshine made her blind. Peut-être de faire venir Geneviève pour chanter un peu avec nous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui! Vous m'avez invité à chanter avec vous, merci beaucoup! Et la chanson que Geneviève venait vous chanter, c'est une composition de Denis qui s'appelait « Il y a des jours ». Oui, je pense que c'est une de ses dernières compositions. Peut-être. Oui. Alors, dans sa grande intensité, mon père avait des bonnes journées, des moins bonnes journées aussi. Puis des fois, il accrochait sur des phrases. Puis c'est ça, je pense que ça l'a inspiré, cette compo. Oui, oui, oui, oui, oui. Hein? Assez de lumière pour ton texte? Thank you. y a des jours où tout te parle, où tout te dit quelque chose. Et il y a ceux où t'en doutes un peu. Est-ce que je peux prendre votre commande? Est-ce qu'on fait le plein? Est-ce que je vous vérifie l'huile? Prendriez-vous un extra avec ça? Avez-vous Air Miles? Est-ce que je change votre frite en poutine? Vos papiers, s'il vous plaît. Pourriez-vous évaluer votre douleur de 1 à 10? Excusez-moi, je dois loger un autre appel. On vivre bien avec l'écart entre les deux chiffres. Ben, va-t-il falloir camper une date pour ça? Il faut savoir quand ça commence, mais surtout quand ça finit. La salle est remplie de récipiendaires. J'introduis ici une question qui m'est régulièrement demandée. Est-ce que ça tient compte du virage qu'on a pris cette année? Lui, il devrait faire ça au lieu d'un projet spécifique. J'ai pas fait la ventilation. Toute résolution est exécutoire. Prendriez-vous un bon café? Dans le fond, là, je suis comme contente, voilà, là! Est-ce que je peux prendre votre commande? Je ne veux pas encore faire partir les publicités. Ben, je vais vous les faire à la main, tiens. Dans le cadre du prix Radiothon de CKRL, vous écoutez l'hommage à Denis Barry en direct du Bal du Lézard. Il paraît que CKRL, c'est une radio-école. J'ai bien dit la doubline une couple de fois, je suis encore là. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour au Bal du Lézard, au 1049 3e Avenue. Vous êtes les bienvenus à venir nous rejoindre, pourquoi pas, à participer à l'hommage à Denis Barry et surtout assister au spectacle de Pink Floyd. Un hommage de Pink Floyd, mais surtout un répertoire quand même assez intéressant, puisqu'on parle des années 68 à 71. Et puis, je vous dirais, là, pour avoir assisté au premier set, c'est quelque chose. La sonorité est là, et je vous dirais l'authenticité également. Et tous les gens ici présents, est-ce que vous êtes présents? Ont apprécié l'événement, et surtout, ce n'est qu'un début, puisqu'il va y avoir la deuxième partie dans quelques instants. Mais d'ici là, cet hommage à Denis Barry se veut aussi une espèce de pré-radioton, puisque le radioton de CKRL qui va se tenir la fin de semaine prochaine, va se tenir du vendredi au dimanche prochain avec un objectif de 42 000 $. Et on suscite vos dons de toutes les façons possibles. Vous pouvez le faire ce soir de façon exceptionnelle. On attend vos appels au 640-2575, 640-2575, ou encore via notre site internet ckrl.qc.ca. On a le merveilleux PayPal. Notre adresse PayPal, c'est sécurisé. Vous pouvez faire vos dons là-bas. Donc, c'est possible. Partagez et surtout donnez pour le Radioton et CKRL. Puisque CKRL, c'est pas juste une histoire de donner. C'est surtout recevoir. Oui. Et ce soir, on reçoit nul autre que Geneviève Barry, qui est la fille de Denis Barry, qui nous a interprété la chanson tout à l'heure, qui nous a tous fait sourire. C'est vraiment à l'image de l'humour de son père. Donc, Geneviève, je te cède la parole avec Jean-Pierre Gay, mesdames et messieurs. Alors, Geneviève, merci pour la chanson tout à l'heure. Oui, merci, ça fait plaisir. Comment Denis composait ses chansons? As-tu déjà eu l'occasion de travailler avec lui pour préparer ses chansons? Écoute, Denis a composé plusieurs chansons. Ouais. Plusieurs chansons. Ça, je pense, c'était sa dernière. Honnêtement, oui, on a déjà travaillé ensemble pour des projets de création, de spectacles. Mais il était beaucoup dans sa tête, dans son univers. Il écrivait surtout le matin. Il avait toujours mille et un projets. J'ai participé, oui, à quelques projets, bien sûr, de mon père, oui. Parlant de projet de Denis, il y a un projet qu'on n'a pas encore abordé, puis qui était quand même à l'image de la générosité de Denis. C'est le show qu'il avait donné sur la place Saint-Roch, en avant de l'église Saint-Roch. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Ça avait été toute une belle affaire. Le show à place Saint-Roch, devant des démunis, devant oui. des gens qui connaissaient pas trop la musique. Oui. Ça avait été un show extrêmement généreux. Extrêmement généreux, oui. Je suis pas sûre qu'il a fait beaucoup de profit avec ce spectacle-là. Mais il y avait toujours de grandes idées d'amener toutes sortes d'amis pour créer, d'amener ses amis à créer aussi, pour créer des événements uniques à son image. Mais oui. Ça rentre dans son côté généreux aussi. Il voulait oui. pas faire ce show-là ailleurs que sur la place Saint-Roch, là où il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des spectacles, oui. qui n'ont pas les moyens d'aller dans les salles du Capitole oui. et tout ça. Oui. C'était du Denis Barry tout craché, ça. Oui, oui. Puis il a dû faire beaucoup d'argent avec ça. Non, non, non. Pas du tout. Il a d'ailleurs fait un disque aussi quand il a su que c'était ses derniers mois. Le projet qu'il a décidé de faire, c'est un disque avec dans le studio de mon frère. Oui. Puis il a rassemblé là ses meilleures compositions qu'il a en disqué. Puis pour lui, c'était un legs qui faisait à ses amis, à ses auditeurs, et il était prêt à partir, puis ça l'a aidé à partir aussi. Donc, ça a été sa dernière création, son disque. Puis je voulais juste profiter aussi de l'occasion pour dire que le disque est à vendre encore. Ici ce soir. Ici ce soir, et on partage les profits avec CKRL aussi. Là. Donc, s'il y en a qui sont intéressés... Alors, où est-ce qu'on peut trouver le disque? À l'entrée, j'imagine? Oui. Et ça pourrait être possible de se le procurer à la station ici, de CKRL aussi, ici, pour le radioton, bien sûr. Là, Puis qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus comme musique? Ben, est-ce que c'est des chansons? C'est toutes des créations de Denis, oui. Est-ce que des chansons ou c'est juste des pièces musicales? Non, il y a de la chanson aussi. C'est des pièces où Denis chante, ou certains de ses amis. Moi, j'ai une pièce aussi. Donc, c'est une création là, collective, là. Parlant de collectif, il manque une partie du trio. Oui. Antoine ne pouvait pas être ici ce soir. Oui, Antoine, il a eu une super belle opportunité. Il a été appelé pour drummer, pour faire la batterie pour la tournée américaine de Musical Box, qui est le groupe hommage à Genesis. Donc, actuellement, il est à Philadelphie ce soir. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, mais il pense à nous, puis il est là de cœur, bien sûr. Puis... toute qu'une anecdote que Antoine se joigne à Musical Box en fin de semaine. Oui, il a été appelé dernière minute. Parce que le drummer original a été refloué aux douanes pour je ne sais quelle raison. Moi, j'ai c'est des amis moi musiciens. Dit, là, c'est pas moi qui le dis. Dans la ville de Québec. Mais à ce qui paraît, on peut dire que Puis là, Antoine, il le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais oui. Antoine est demandé à faire. Oui. Cette tournée-là, oui. En sachant presque pas le répertoire. Aucune pratique. Il est arrivé sur le stage à Cleveland, puis il a livré la marchandise. C'est ça. Il était écœurant. Ah, ben, bon. Ouais. Regarde, c'est ton frère, hein? Oui, mon père serait très fier. C'est du talent. Ouais. C'est du talent. Mais je veux dire que pour mon père, la radio de CKRL, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai le souvenir de mon père qui prépare ses émissions. Petite, il m'intégrait dans ses émissions, qui étaient à l'époque. Impression du Nouvel Âge, c'était de la musique New Age, mais il m'amenait à faire des histoires inventées, puis il mettait de la musique là-dessus. Mm-hmm. Sinon, l'opineur du chef, il a préparé cette émission-là avec cœur. Pour lui, ses auditeurs, c'était sa deuxième famille. T'as-tu vécu le moment où ils ont déplacé l'opineur du chef il l'a envoyé le dimanche? As-tu vécu? Ouais, je sais qu'il m'a appelé un moment donné, il m'a dit, ouais, je pense qu'il y a une pétition, là, pour que je revienne le jeudi. Je dis, bon, c'est cool, papa. Oui, parce que ça avait créé vraiment une commotion, ça, cette décision-là. Il y avait des pancartes sur les poteaux la rue de Saint-Jean. Oui, oui, oui. Quand même. Mais voilà, donc c'est... J'imagine que ça doit vous manquer chez vous d'avoir des gigs avec Denis. Hein? Ça doit aller... Oui, c'est sûr que ça me manque. Et... chez nous, on n'avait pas de salon. Hein. On avait une cuisine et une salle de musique. Donc, malgré son départ, il reste avec nous quand même de cœur. Puis on continue à écouter sa musique. Puis on peut même aller chercher en balado-diffusion ses émissions, l'opinion du chef aussi. Oui. Donc, il est présent, il est encore là. La radio a fait que sa voix est restée, sa musique est restée. Puis à l'époque, moi, j'écoutais un peu Pink Floyd. Mais on avait Gentian Giant dessiné sur la porte de garage, puis l'auto dessiné avec des spirales psychédéliques. Moi, je trippais pas trop, là. Je savais que mon père était spécial. Mais... aujourd'hui, pas si spécial je capote encore plus, tu sais, puis je trippe plus encore sur sa musique, puis je continue à l'écouter, puis je pense que c'est trippant aussi que ça reste... Il y a une espèce de Facebook, là? Ben oui. D'aura aussi. Oui, il y a une aura. Puis il y a aussi, puis ça, je veux le souligner à tout le monde, vous pouvez aller sur le site de CKRL, vous allez à l'opineur du chef, ça existe encore, et vous pouvez trouver une vingtaine d'émissions de Denis. Oui, c'est ça. Dont l'émission Hommage qu'on avait fait lors de son décès. Oui. Puis j'imagine qu'on va enchaîner, que CKRL va enchaîner avec l'émission de ce soir aussi. Oui. J'espère bien qu'on va enregistrer tout ça. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous pour cette belle soirée. OK. Merci beaucoup à Geneviève Barry, mesdames et messieurs. témoignage incroyable et surtout, quelle prestation tout à l'heure de cette, oui. Cette magnifique cette chanson-là que toi pis moi, tantôt on s'est regardé, on s'est dit, hey, ça c'est du pur Denis Barry. Avec un interprété par unique. Sa fille et ça, ouais. Avec les questionnements un peu ésotérique, mais du quotidien qui tout d'un coup semble un peu anormal là. Dans un moment tu sais, t'es là, t'attends dans une file d'attente, tu dis OK, est-ce que c'est terminé pour vous? Bon. C'est, ben, c'est du grand Denis Barry. Denis Barry avait des réflexions de ce genre-là dans la vie. Il était comme ça. Exactement. C'était une façon de se détacher des choses puis de se payer un peu sa tête lui-même. Parce qu'il aimait beaucoup se payer sa propre tête. Moi je suis une personnalité quand même assez unique, OK? Mais moi, là, une des rares personnes pour m'avoir déstabilisé dans ma vie, c'est Denis Barry. Oui. Parce que il y a un moment donné, j'arrive avec mon gros bass drum, puis là, on est là, puis on déménage notre truc de musique, comme je disais tantôt. Quand tu rentres en studio. Là. Quand je rentre en studio, puis que c'était Denis qui était là, nous, on faisait des prestations en direct. Et puis, là, Denis me dit, il vient me voir, il vient me dire, Jean-Sébastien, ça marchera pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Denis? C'est trop bruyant. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est trop bruyant? Tu me déranges. Moi, là, je viens ici, je viens mettre une ambiance particulière, et puis là, tu me déranges mon ambiance. Je fais comme, ben voyons donc, Denis. OK, tu me l'as dit, c'est correct. Et c'était la dernière fois qu'on a eu une espèce de chicane. C'était mon moment de chicane avec Denis Barry. C'était juste trois phrases qui ont fait... Je suis donc bien mal à l'aise. Mais ça n'a pas rapport. Mais il faut savoir que Denis avait besoin de toute sa concentration. Exactement. Et son aura. C'était pendant son émission. Il ne voulait pas se faire déranger. Et il a l'oreille très sensible. Exact. Alors, quand quelqu'un débarque dans son univers avec ses patentes qui n'ont rien à voir avec les siennes, je pense qu'il était déficit d'attention. Après moi, non. Il avait surtout une grande attention. Mais moi, personnellement, je l'ai remplacé pendant plusieurs émissions. Mm. J'étais comme son remplaçant officiel. Et pour moi, ça a été comme un honneur de le remplacer. Oh. Parce que je savais exactement ce qu'il faisait. Et je vous dirais, pour faire un 2 heures d'émission à CKRL, ça me prend 15 minutes. 15 minutes de préparation, maximum. Mm-hmm. Maximum! Je sais que ce que je vais faire, nanani, nanana. Ouais. Moi, je suis pas comme Denis, je suis pas déficit d'attention, moi, je suis hyperactif. OK? Mais pour faire les émissions de Denis, j'écoutais chaque mix, je faisais chaque mix préparé judicieusement parce que je savais qu'il y avait un auditoire qui écoutait, puis il savait si c'était pas... Il s'attendait à ça. Exactement. L'auditoire s'attendait au mix, au fade-out, au fade-in. Exactement. Fait que je faisais toutes mes affaires. Hey, je pouvais passer une semaine. Une semaine à une heure par soir, mettons. Mais Denis, je suis convaincu qu'il devait faire plus que 15 minutes de préparation. Ça, je sais, mais... Oui. Souvent, certains disaient qu'il était un peu... Il faisait un peu la même affaire un peu à chaque semaine. Non, c'est pas vrai. Non. C'est juste que des fois, le même feeling revenait une semaine après l'autre. Oui, mais ça, c'est sûr ça. Que c'était une émission prog, c'est une émission... Tu sais, quand t'as un mix parfait entre deux tunes, oui. Tu peux le recréer plusieurs fois, puis la semaine d'après, je me sens comme ça, pourquoi pas, et ça. Fait que c'est pour ça. Moi, j'ai adoré... Oui. Remplacer le président du chef, pour moi, c'était un honneur, un privilège, et je me sentais vraiment dans la famille de CKRL quand que les auditeurs m'appelaient, ils me disaient, hey, Jean-Sébastien, vraiment, là, tu étais vraiment... Parce que il y avait beaucoup d'appels dans ces émissions. Il y avait beaucoup d'appels. Denis ne répondait pas. Ben non, Denis ne répondait pas. Il répondait pas parce que moi, je me rappelle d'avoir déjà appelé puis il n'avait pas répondu. Moi, je devais répondre parce que c'était pas Denis. Fait que je répondais et souvent, je disais, les gens me disaient merci beaucoup, Hiwart, t'es vraiment dans l'esprit vous de l'hôpital. Vous faites bien ça, monsieur. Ben, monsieur oui, Grondin, c'est bon ce que vous faites. Non, mais. Non, non, mais c'est vrai. Remplacer Denis, c'était tout un contrat. Remplacer Denis, c'est tout un contrat. Et surtout, ce que je veux dire, c'était tout un honneur et je le faisais avec un flambeau dans la main. Puis quand Denis nous a quittés, moi, je veux dire que nos jeudis soirs sont différents. Mais il y a encore la lueur. Oui. Il y a encore la lueur et le flambeau, il brûle encore. Moi, je te dis, là, les jeudis soirs, ça brûle encore. Mais on ne l'oubliera pas. Non. On ne l'oubliera pas. Denis Barry, ça a été, selon moi, un des très grands animateurs de CKRL. Alors, sur ce, j'appellerai les musiciens à venir... réaccaparer leur... Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. Réaccaparer leurs instruments. Hey, ça va super bien. C'est dit en passant, on est au 1049 3e Avenue au Bal du Lézard. Live en direct à CKRL. Et on a un groupe qui nous fait un hommage à Pink Floyd des années 68 à 71. Le groupe s'appelle Pink Floyd et nous revisite un répertoire très intéressant. Je vous le dis, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas là, écoutez-le à la radio. Et vous pouvez toujours téléphoner au 640-2575 pour donner au Radioton de CKRL. Vos dons sont bienvenus sur notre site PayPal, www.ckrl.qc.ca. Mais aussi, hey, wow! Là, j'ai la sœur de Denis Barry, qui est ici, qui me rappelle que ce soir, ici même, on a des disques. Parce que Denis a enregistré des tunes. Oui, oui, oui. Enregistré avec son projet XL3. Dont la tune aussi, il y a des jours qui est dessus aussi. La tune, il y a des Mais jours. Mais aussi, sa musique, c'est le disque qui est ici et disponible pour vous. Au Bal du Lézard, mesdames et messieurs, voici Pink Floyd. The second scene, a fight between the blue you once knew. Floating down, a sound resounds around. The icy wood is on the ground. Jupiter and Saturn help around Miranda and Titania. June Titan, stars get brighter. Limpid green, a second scene, a fight between the floating down as sounds resounds around. The icy waters on the ground. Jupiter and Saturn orbit around Miranda. Neptune, Titan, stars get brighter. Ooh, sign flop, flake a flake a flake a bow, bow. Always care that care who's there. Blind and limpid, green the sounds around the icy water sound. The lime and limpet, green the sound surround the icy waters on the ground. Merci. La prochaine chanson, ce n'est une qui a été jouée aussi lors du passage Pink Floyd à Québec, est tirée du film More, par un 69, et elle s'appelle Cymbeline. Hey, j'étais au monde, imagine. Hein? Quel âge t'avais, Bruno? J'étais au monde, j'avais 2 ans. Il y avait 2 ans, Bruno, dans ça. Et moi, 19. Ça vous donne une idée quel âge que j'ai. Bye. de Cymbeline. La prochaine pièce, c'est une pièce instrumentale. C'est une de mes pièces favorites de Pink Floyd aussi. Et c'est une version Pink Floyd. Une pièce qui s'appelle Atomart Mother. Thank you. Bruno Rousseau sur la guitare aussi. Yeah. Oh, pour une chose de même, on va en faire une un peu plus smooth. La prochaine chanson a été jouée à Québec en 71 aussi, et tirée aussi du même album, Atomic Mother. Et c'est la première chanson vraiment écrite par Gilmour. Ça s'appelle Fat Old Son. Sing to me, La prochaine chanson, c'est une composition qui s'appelle The Shadow. Dans la dernière partie, vous allez peut-être entendre un peu des relents de Echoes. The Shadow. Traffic lights are red. You watch the others in their cars as each one lives into his work. There's a shadow. The things we said and thought we'd think about seem worse disconnected from our heart. The illusion becomes our work. There's a shadow. Between the idea, between the reality, between the motion and the act, like the poet said, all the shadow, Une chanson va être chantée par Bruno. C'est une autre chanson tirée d'un film, Morve, possiblement celui-là. Hein, c'est Morve, je pensais. Ça me prend juste un trip, ça sera pas long. Et voilà, c'est ça qui est ça. Et ce n'est pas une chanson islamique, même si ça vient du Nil. Bon, non, je pense pas que les ayatollahs aiment ça. Thank you. n'en ont pas fait beaucoup, les mêmes Pink Floyd. Hein? OK, la prochaine chanson, c'est une compo aussi que j'avais composée suite au décès de Denis. C'est une chanson qui est disponible sur YouTube aussi. Hein? André Michaud, Denis, vous allez voir là, avec des photos de Denis aussi. Et la chanson s'appelle Denis. C'était quoi le truc en latin à côté? Lumina est Denis. Chance de connaître Denis. La prochaine pièce, ça va être notre dernière pièce aussi. Ça va être une chanson qui... Ben, c'est une pièce instrumentale encore aussi. Que les amateurs de Denis qui écoutaient son émission vont pouvoir... Okay. Oui, oui. Effectivement. Et qui s'appelle A Saucer Full of Secrets. Merci. À la guitare, Bruno Rousseau. À la basse, Alice de Chambrier. À la batterie, Denis Pouliot. Au clavier et aux voix, Nicole Rouleau. Et moi-même, André Michaud. Pour finir cette soirée, on va demander à Geneviève de venir chanter ici avec nous une chanson qu'elle chantait souvent avec son père. C'est une chanson peut-être une des plus connues, alors si vous voulez la chanter en même temps. Yes.

lie down your dead. Nos téléphonistes n'attendent que vous. Soyez généreux. Téléphonez dès maintenant au 418-640-2575 pour contribuer au financement de la rénovation du studio Denis Barry. Memorial,